Merci Mike, je prends le relais. Belle soirée à toi. À mercredi prochain à 19h, pétote sur Fadjet. Allez les amis, bienvenue sur Music Live, l'émission sur la musique vivante et les amateurs de concerts. Cette semaine, nous recevons un invité, alors on ne le fait pas attendre. Générique Monique. Music Live avec Yo, tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois à 20h sur Fadjet. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Music Live. Alors ce soir, nous avons, comme nous l'avons déjà fait dans le passé, nous avons un invité. Et nous allons donc pouvoir faire notre émission, la setlist de l'invité. Une émission où nous allons pouvoir échanger avec notre invité de la scène musicale locale qui va nous parler de ses goûts musicaux, de son parcours et qui va nous proposer sa setlist live préférée. Et ce soir, notre invité est une véritable institution à Nancy et dans la région. Et comme j'ai le plaisir de le recevoir, mesdames et messieurs, Angelo Cariello est en direct dans notre studio à Fadjet. Salut Angelo et bienvenue dans Music Live. Bonjour Lionel, merci de m'inviter. Alors dis-moi, on se connaît depuis quelques années et depuis que j'anime cette émission, j'avais vraiment envie de t'inviter au travers de tes multiples passions autour de la musique et dans tes applications associatives, les organisations de concerts, les jam sessions, les blues sessions, la célèbre rock'n'roll dont on parlera tout à l'heure, et les auditeurs qui nous écoutent et qui t'ont forcément croisé à Nancy ou dans la région vont pouvoir mieux te connaître. Ma première question, Angelo, ça fleure bon l'Italie, ce nom-là? Tu es né là-bas? Oui. Oui, oui, je suis arrivé ici, j'avais 30 ans. Quasiment 30 ans. Et tu es né où en Italie? Dans une ville qui s'appelle Foggia, qui est à la même hauteur du Naples, donc au début du sud. D'accord. Mais côté Adriatique, dans les Pouilles. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir en France? L'amour? Oui. Oui. D'accord. Et je suppose que tu as, alors l'Italie, hein, je suppose que tu as toujours baigné dès l'enfance dans la musique. Ben, en fait, mes goûts musicaux, qui reviennent d'ailleurs, c'est la musique qui m'a toujours bercé. À différence d'en France, la musique folk en Italie, elle est toujours remaniée, elle est toujours vivante, toujours réécrite. D'accord. Ici en France, quand on dit folk, on pense aux petits doigts bretons. Ou même à Angelo Brugani. Alors qu'en Italie, on est Angelo. Et alors qu'en Italie, il y a des groupes, il y en a un qui passera, Pino Daniel, c'est un Napolitain, il chante en Napolitain, il a fait du blues funky napolitain, et il a joué au NJP, il est connu dans le monde entier. D'accord, donc contrairement à chez nous, on a le folklore traditionnel de nos régions, voilà. Mais dans le folk... En Italie, ça évolue tout le temps, mais c'est pas seulement en Italie, hein, même en Espagne, en Autriche. Ouais. Ouais, ouais. Il y a de la réécriture de la musique folk, oui. D'accord. Et toi, quelle a été ta toute première révélation musicale? Alors, ma première révélation musicale, c'est étrange. Non, non, non, ça c'était la musique de mes grands frères. D'accord. D'ailleurs, quand à l'époque on disait t'es plutôt Beatles ou Rolling Stone, moi je répondais Sex Pistols. D'accord. Mais ma révélation musicale, sincèrement, c'était le rock progressif des années 70. Ouais. Ok. Donc, ça, j'ai vraiment bien aimé. Anglais, américain. Non, non, non. En Italie, il y a eu une très, très grosse vague de rock progressif. D'accord. Et même, on a parlé de Naples. À Naples, par exemple, il y avait beaucoup de groupes de rock progressif. On a parlé carrément d'école napolitaine du rock progressif. Ouais. Ah, ok. Ouais. D'accord. Alors, ben, on va un petit peu... Et ça, c'était mes premiers choix de concert. D'accord. Ouais. Ok. Très rock. Oui, quand j'étais assez jeune. Mais c'était déjà du rock différent. Ouais, ouais. Ouais. Bon, tu sais que Music Live est avant tout une émission musicale. Alors, comme tu parlais d'Italie, c'est mon pays que j'aime aussi. Eh bien, je te propose d'écouter un titre italien ô combien connu en Italie et en France aussi. Et on va écouter Pino Daniel. Yes. la cita ma un momento mi sfuga. Sono volgare so che nella vita suonerò. Chi te ne complassa non ne può. Come mi piace zucchero che scendi su caffè. E con una presa ranna so ma chi è meglio me. Se cagazzi me faccio tutto quello che mi va. Perché sono brusa e non voglio cagnare. A voce resto male, la pazienza su punta, a cento che cammino, piezza via ma sbraita, ti vengo presso a te, perché sono nato in casa e con sono nera, nera, ma non te posso lasciare. Piaccio chi la faccio senza soffermare, che tu sta cosa la bova che sa pagatara. Hai tora c'è più, ma non ti fa bruia, e te la faccio senza soffermare. A me mi piace il blues e tutte le giorni c'è cantare, perché mi brucio pronte la maniera c'è fuga. Sono volgare so che nella vita suonerò. Sono brusa stregna e niente sono mo'. A voce resto male, la paziente su puta. A gente che cammina, mi sappia per straità. Ti vengo a pensare a te, perché sono nato a casa in questo nido. Pino Daniele, dis-moi Angelo, tu m'as dit que tu avais toujours été un grand amateur de concerts et que ton premier était vers l'âge de 14 ans. Quels ont été les premiers concerts auxquels tu as assisté? Alors, les tout premiers, c'était à l'opéra, parce que dans ma ville, il y a un grand auteur d'opéra qui s'appelle Umberto Giordano, donc il y a un théâtre à son nom. Ouais. Et les tout premiers concerts, c'était l'opéra. Mais la musique actuelle, en Italie, les festivals d'été, ils sont nés 20 ans avant qu'en France. Donc, il y avait un gros choix, quoi. Alors, c'est dans le nord, je suis allé à Lucia, ouais, où il y a toute la place du centre-ville qui fait festival pendant l'été. Ouais. Les grands groupes qui viennent. Purée, c'est un truc géant. Moi, j'ai vu à Pistoia, j'ai vu John Mayall, j'ai vu plein de concerts vraiment intéressants dans des places des centres-villes, des places historiques. D'accord, oui, voilà. C'est, eh ben, Lucia, c'est pareil. C'est dans le cœur du centre-ville historique. Et alors, en plus, avec toute la décor qui va avec, et ils font rentrer jusqu'à 25 000 personnes, quand même. Hein. Mais d'ailleurs, les grandes villes, j'ai remarqué, il y a Bruxelles qui est en train de faire ça. Il y a Luxembourg qui est en train de faire ça aussi avec leur open air. Ça commence à venir un peu partout en Europe, de valoriser le patrimoine. C'est plus joli sur une belle place que sur un terrain de foot. Hein. C'est clair, ou à l'aéroport. Ou le parking du Leclerc. Ouais, c'est ça. Bon, on fera pas de pub, on ira chez Auchan aussi. D'ailleurs. Bon, je sais aussi que t'as beaucoup voyagé avec ta regrettée épouse, à qui on peut rendre hommage, parce que je l'ai connue avec toi, et c'était vraiment une belle personne. Et quelle nouvelle découverte musicale vous avez fait? Alors, les destinations, bon, on en a fait plein, donc je peux faire une liste, mais c'est pas l'intérêt. Mais par contre, la musique qui nous a vraiment unis, moi j'étais plus le folk romanier et ma femme était plus musique du monde. Et on a trouvé des choses qui se sont vraiment fusionnées. Moi, ouais, j'étais plus mixage, mixité des musiques, oui, et elle était plus musique du monde. Et on a trouvé notamment un groupe qu'on va écouter tout à l'heure, les Balkan Beatbox, qu'on a vu 9 fois sur scène. Ouais. Et c'était pas du show, hein, c'était que de la musique. Hein. Ouais. On a failli le voir la 10e fois, on était allé à Barcelone pour le voir, parce qu'il passait en Espagne. On a profité de faire une semaine de vacances là-bas à Barcelone, et ils sont pas venus. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ils sont bon, pas venus. C'est quand même Barcelone. Ça aurait été la 10e fois. C'est quand même Barcelone, donc il y a oui, de quoi faire. Oui, oui, oui, on n'a pas gâté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, tu as été un des premiers à Nancy à organiser des jam sessions, raconte-nous ça. Alors, moi ce que je revendique dans les premiers, c'est concert plus jam session. Ouais. Les jam sessions, ça en a toujours existé. Ouais. Mais, l'organisation que j'ai fait au Bar Les Seigneurs dans la Grande Rue pendant 6 ans... c'était une idée que j'ai eue de faire concert plus jam. D'accord. Parce que ça donne un thème. Ouais. À la jam. Et du coup, c'est. Et puis c'est. Ça marche vraiment bien. Ça peut être aussi parfois deux publics un petit peu différents, c'est-à-dire ceux qui viennent assister à un concert et puis en voyant d'autres musiciens arriver. Pour un peu faire le bœuf ou taper bien sûr, le morceau. Ah bah, dès la première fois, le concert, il était à 16h de l'après-midi. Il y a eu de la musique après le concert en jam jusqu'à 22h. Et les gens, ils criaient encore, encore. Bah oui, quand on aime, on compte pas. Voilà. Tu sais combien t'en as organisé, les concerts depuis Alors, le tout premier? J'ai fait un décompte. Allez. J'ai fait un décompte. Je pense que j'ai organisé comme ça 250 manifestations. Ah ouais. Si on prend l'unité, par exemple, où il y a plusieurs concerts, j'ai organisé 450 concerts. Ah oui. Et dont 150 avec concerts et jam. Et jam. Ah, dis donc. Oh, je pense que t'es le record mal, là, souvent. Ah, je sais pas. on va demander où le boulot. Je sais pas. Mais moi, j'ai une particularité quand même. En fait, je suis arrivé au spectacle comme ça. J'étais quelqu'un qui est toujours allé au concert. Moi, j'ai arrêté d'acheter des disques très, très jeunes pour aller au concert. Et du coup, j'ai toujours eu cette impression de me ressourcer au concert. C'était pas mon métier au départ, l'organisation, hein. Moi, j'étais graphiste, mais le fait d'être allé toujours au concert, ça m'a ouais. fait virer vers ce monde que j'adorais, quoi. Alors, certains, ça leur donne le goût de la musique et d'en faire, et d'autres, ça leur donne le goût d'en organiser ou d'en parler. Oui. Mais je dis toujours, un jour, je m'y mettrai. Oui, bon, on fera un duo. Est-ce que je suis comme toi? Ouais, quand j'allais voir les concerts, c'était pas tant l'artiste et le show que je regardais. C'était derrière, les musiciens, qu'est-ce qu'il avait comme matériel, etc., etc. Et les compagnons me disent, mais t'écoutes? J'ai dit, bah oui, j'écoute, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'arrière de la scène. Mmh. Et parfois les coulisses aussi. Non, moi, je reste plus sur l'émotion, de la musique dans le live et du spectacle, parce que j'ai travaillé aussi dans le théâtre et dans le théâtre de rue, hein. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est l'émotion du spectacle. Ouais. Et d'ailleurs, la technique, je connais rien, je passe aux professionnels, je me décale de ça parce que non seulement je ne connais rien, je ne comprends rien. Surtout que ça a beaucoup en plus évolué, faut vraiment suivre aujourd'hui. Dis-moi, ton engagement associatif date de loin aussi. Je t'ai connu au temps de la DBDC, hein, une association qui porte le gentil nom de Des Bruits et des Casseroles. Des bruits de casseroles. Des bruits de casseroles. Raconte-nous aussi donc ce parcours-là. Je suppose qu'il est associé à tes envies de musique. Ben, c'était ma première vraiment participation dans une association, même si c'était une association que je connaissais avant. À un moment dans ma vie, je me suis retrouvé au chômage. J'avais la possibilité de postuler sur des annonces que je voyais de programmation. Organisation, graphisme, communication. et qui sont des postes qui sont plutôt dans les communautés de communes, dans les mairies. Et en fait, je me suis aperçu au bout de 3 ans, à part le travail que je trouvais par moi-même, que toutes ces annonces étaient des fausses annonces. Parce qu'en fait, c'est des contractuels, et au bout de 2 ans de contrat, ils sont obligés de mettre l'annonce publique. Mais donc, moi, je considérais ça des fausses annonces parce que c'était la Ben même oui. personne qui restait Ben. sur le poste. Et du coup, je me suis rapproché de DBDC que je connaissais bien. Et j'ai dit, voilà, je viens pour créer mon poste. Je commence en tant que bénévole. Et au bout de 6 mois, 8 mois, j'ai créé mon poste. D'accord. Oui, il y en a eu un paquet des associations dans lesquelles Oui, tu es allé. la MJC aussi, Oui. hein. Voilà, les J'ai des bons MJC, je rapports avec la MJC, oui. pense. Ouais. Bon, on va parler du présent maintenant et de la fameuse et célèbre Broken Yes. Wall. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais ça ne doit pas exister. Comment l'idée elle t'est arrivée de faire une Broken Wall? Eh ben, c'était à DBDC, justement, à l'anniversaire des 10 ans. DBDC mettait toute son énergie à l'exportation des groupes nancéens, Booking, tout ça. Studio, même, il y avait un petit studio, Il y avait hein. des studios, bien Ouais. sûr, d'enregistrement, des salles de répète. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans le territoire pour mettre notre envie de travailler dans le territoire, notre expérience. Et on a fait 2 rencontres en terrasse, à l'extérieur de la maison Éclusière en été. On a invité journalistes, acteurs politiques, musiciens, et on a fait des concerts. Et là, on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait vraiment une envie de collaboration, de pouvoir travailler sur le territoire. Et donc, l'idée est née, de faire un événement grand public, tout public surtout, à entrée gratuite. Et voilà l'idée de la Broken'Roll, de la brocante exclusivement sur la musique, dans notre domaine. Ça a marché dès la première année. Alors, c'est une brocante, pour être un peu dans le détail, hein. C'est une brocante qui s'adresse à qui? Alors, c'est une brocante qui s'adresse à tout le monde. C'est une brocante exclusivement sur la musique, hein, c'est-à-dire qu'on trouve que des choses inhérentes à la musique, que ça va du disque, l'affiche, l'instrument, Les instruments, bien sûr. plein d'instruments, les exposants, c'est bien des exposants bien choisis. Il y a le guitariste qui a 12 guitares, qui veut en vendre 2 parce qu'il veut s'en racheter une autre. Il y a que des passionnés. Et en fait, ce qui fait que le public y reste longtemps, parce que la journée est jonchée de petits moments musicaux. Ça joue à droite, ça joue à gauche, et puis on retourne à ce stand. Et je peux vous dire que pour moi, la plus grande réussite, c'est de faire venir les gens comme moi, qui disent un jour je me mettrai, ils viennent à la Broken'Roll avec les sous dans la poche. Ben oui. Mais en plus, c'est une super idée parce que c'est assez rare dans la région de trouver ce genre de choses. T'as des foires au disque, Il y c'est a des encore autre chose. tentatives, il y a des tentatives, mais sans me jeter des fleurs, c'est la plus réussie de la Ah oui, Broken'Roll. j'en ai vu une autre, c'était en Ardèche, qui a lieu, je Ouais. crois, en juillet, août, je sais même pas si elle existe encore, mais qui s'appelle pas Broken'Roll, mais qui est Principe c'était de organisation, le même oui. principe. Moi, ce que j'ai réussi vraiment sur la Broken'Roll, c'est que avant de la commencer, je suis allé voir pour choisir des bons exposants. Je suis allé voir des autres brocantes à musique, effectivement, un peu loin même. Et le problème qui se reportait à chaque fois, c'était zone brocante, zone C'est bar, ça. zone musique à côté du bar. Tout le monde partait là-bas, il n'y avait plus personne. Eh ouais. Et au fait, la Broken'Roll, elle est faite en sorte que la star de la journée, c'est les exposants. Ouais, c'est ça. Complètement. Il y a de Des la musique et les partout. musiques sont des séances courtes, donc des musiques un peu spéciales. Ouais. On en entendra quelques-unes tout à l'heure. Ouais. Et c'est dans la brocante même. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a de la musique, mais tu peux pas rater aussi tous les exposants qui seront là. Moi, j'ai vu des collectionneurs. Il y a des animés. Alors, attends, on va dire tout de suite la date. 14 juin. Dimanche 14 juin. C'est dimanche, le dimanche 14 juin. C'est le dimanche avant la fête à la musique. Voilà. Alors moi, je me rappelle qu'il y avait aussi des animations. Il y en a un petit peu cette année. Je me rappelle d'une qui était une sacrée. Tu avais installé un podium. C'était sur le lac de... sur l'étang de Bessa, avec la batterie. Et pour y aller, il fallait nager jusqu'à... Tout à fait. Le batteur a nagé. En fait, j'avais un mégaphone et j'ai crié dans le mégaphone. Ah non, ma mère, ah non, ma mère. Tout le monde s'est retourné. Le batteur, il s'est lancé avec ses baguettes dans la ceinture. Il s'est lancé... dans l'eau, il a plongé, il a nagé jusqu'à là, et puis il a fait une roulade de 8 minutes, et il a jeté les baguettes, paf, les fesses dans l'eau, c'était mondial. Et on a filmé ça avec un drone. C'était, d'accord. C'était super. Ok. Alors, la Broc and Roll, c'est organisé par l'association La BAC, non pas la Brigade Anticriminelle, hein, mais la Boîte à Caillot. Association Boîte à Caillons. Hein. D'accord. T'es dans l'association, t'es le président ou... Non, je suis un simple participant. Bien sûr, je suis le coordinateur de la Broc and Roll. C'est peut-être, je vais vous donner un scoop, c'est peut-être ma dernière Broc and Roll parce que je la passe à l'association. Non, elle termine pas la Broc and Roll. Ah bon? Ah non. Mais toi non plus, c'est pas possible. Je serai là pour le surveiller. Oui, c'est ça. Ce sera pire. Bon, on reviendra en fin d'émission sur ton actu, sur les prochains concerts que tu organises, la fameuse Broc and Roll encore, car je sais que tu manques jamais d'idées. Mais là, maintenant, t'as du boulot. Eh ouais, ça se passe comme ça quand on est invité dans Music Live. Alors, je t'ai demandé de nous préparer une setlist, ta setlist préférée. Bon, environ une trentaine de minutes maximum. Une setlist de tes artistes préférés, tes références et bien sûr des morceaux live. Alors, tu es bien installé, tu as carte blanche en nous proposant chaque titre et surtout en nous expliquant pourquoi tu as choisi ce titre. Bon, moi, je te laisse les clés du studio, c'est à toi. Alors, le premier, c'est Romain Charpentier, c'est un ancien qui joue du dobro et du banjo. Et qui sera présent à la Broc and Roll. Et Romain Charpentier, deux mots sur lui. C'est un touche-à-tout musicien. Il est, pour moi, c'est un musicien tout-terrain. Ok, allez, je me tais, on l'écoute. Thank you. Voilà, donc le Romain Charpentier qui a joué sur un dobro, la guitare métallique avec le couvercle de casserole. Et là, on va écouter une musique que j'aime beaucoup, donc dans laquelle on retrouve cette mixité, pardon. Et c'est les Trans Global Underground, c'est un groupe anglais dans lequel il y a très régulièrement Natasha Atlas qui joue avec, qui chante avec la belgo-anglaise. Voilà, donc. அதிபதியோட செல்வாக்கு அதிகாரம் இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது Yes, waouh, j'adore. Là, on va écouter un autre groupe que j'adore, c'est celui que j'ai nommé tout à l'heure, les Balkan Beatbox, BBB. Je mets une petite particularité, c'est pour moi le groupe qui est allé le plus loin dans le remaniement des musiques folk. Et on n'a pas l'impression d'entendre un groupe folk, et là, ils sont... ce qu'on va écouter, c'est un morceau qu'ils ont enregistré avec les trois sœurs israéliennes Hawa, qui sont assez bien connues. Et voilà, je vous laisse écouter. C'était les Balkan Beatbox, BBB. Là, on va écouter Rona Artener, une comédienne roumaine qui est décédée maintenant, et qui a fait des films connus comme Gadjo Dilo et tout ça. Elle passait pas mal à la télé aussi. Et elle a fait quelques projets avec des DJ. Et là, c'est un projet qu'elle a fait avec DJ Click, qui est un DJ techno. Vous allez voir. Che disse, sì, siamo arrivati questa settimana. E allora non sono invitato a biciclare che si vamonos. Per la scansanza, vamonos. Voilà, donc c'était Ronard Tanner avec DJ Click. Et là, on va passer à un groupe qui sera à la Broquerolles, qui est un groupe très particulier. Il est composé de trois instruments de rythmique, une batterie, une contrebasse et une basse électrique. Et vous allez voir, on est loin de la rythmique, c'est des envolées musicales entre jazz rock... et rock électrique, et vous verrez, c'est très mélodique, très joli. Thank you. Eh bien, Angelo, tu t'en es sorti comme un chef. Tu veux pas faire une émission musicale de blues, par exemple, à la radio? Non, je peux pas, j'ai un accent. Ah zut alors. Oh, mais ça passe chez nous, on adore les accents. Et quel bon choix, cette liste. J'ai écouté le trio, le dernier morceau que t'as écouté, que tu nous as passé, là. Ils sont vraiment extra, faut vraiment venir à la Broc pour les voir jouer. C'est vraiment super. C'est une très belle idée. Ouais, oui, c'est très original. C'est vraiment une idée. J'ai jamais vu un trio moi avec deux basses. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça. Alors mine de rien, bah, on se rapproche doucement de la fin de l'émission. J'ai encore plein de questions à te poser. Qu'est-ce que tu nous as concocté de beau cette année? Quels sont les groupes qui vont venir justement à la Broc'n'Roll à Marron le 14 juin prochain? Alors, je rappelle, le 14 juin prochain. 14 juin, dimanche 14 juin. Et c'est la 10e édition dans la Com-Com. Alors en plus... Alors, les groupes sont graves qu'on vient d'écouter. Il y a Savat, c'est un duo de deux filles qui font un concert électro-industriel, vous verrez, avec des voix magnifiques. Il y a les Slack Dogs, qu'on écoutera tout à l'heure. Il y a un Migou Sound System qui accompagne le repas, avec des musiques gourmandes. Et il y a Romain Charpentier, qu'on a écouté au début. D'accord. Et il y a toujours un stand où on peut s'essayer à plein d'instruments, bricoler, fabriquer des vrais instruments... qui sera le lieu d'accueil de la jam de fin de journée. D'accord. Eh ben, quel beau programme. Et puis en plus, on est sur un site qui est vraiment super sympa, Marron. Ah ouais, c'est la gare de Marron, pour ceux qui connaissent pas. Vous venez de Nancy, Villers-Clairieux, vous descendez la Grande Côte, où il y a le Tour de France qui passe quand il vient dans le coin, et puis vous arrivez à Marron, vous traversez le village, et c'est juste pas loin de la Moselle, au bord de l'ancienne voie ferrée, et c'est vraiment un site super. Ah ben, moi ce que j'adore, c'est que il y a la gare, la salle, et il y a les quais et les rails qui sont en pelouse. Ouais. Et c'est arboré, c'est vraiment magnifique. C'est vrai, bah, l'année dernière, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais ça fait un peu décor de cinéma. Ah, complètement, complètement. C'est exactement ça, quand, puisqu'il y avait juste à côté le célèbre festival La Palette. Tout à fait. Oui. Et quand je venais là, je prenais des photos à chaque fois, avec les gros arbres qui sont autour, tout près. C'est un décor de cinéma. Site, C'est vraiment sympa. Et puis, il y a de quoi pique-niquer. La restauration le midi, c'est pas des frites, hein, c'est pas du surgelé, c'est de la cuisine maison, n'est-ce pas, monsieur? Tout à fait. Il y a deux plats qui peuvent être servis et dans des sandwichs et sur assiette. Accompagné, évidemment. Ok. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la Broc'n'Roll, c'est le dimanche 14 juin. Je crois que c'est la fête des pères, d'ailleurs. Voilà, donc amenez votre papa en plus. Ou alors ça vous fait une excuse pour ne pas y aller. Ou lui faire un petit cadeau. Voilà, c'est une bonne idée. Vous avez tous des papas, vous avez au moins quelques papas qui veulent se mettre à la musique. Ben oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu as aussi des nouveaux projets pour 2026 et même plus tard. Sur Nancy et ailleurs, il y a les fameux concerts à la BG notamment. Alors, à la BG, j'organise les jeudis blues. C'est un rendez-vous blues et une fois par mois. Et puis j'ai évidemment des projets dans la tête qui me trottent, notamment sous les 50 ans du punk. Yeah. Enfin, on pourra le fêter parce que mine de rien, les musiques qui sont toujours considérées marginales comme le métal, finalement, il y a des festivals, il y a du public, il y a du monde. Et le projet des 50 ans du punk, j'ai peut-être trouvé un lieu qui peut accueillir les punks de toute la France. Et on mettra des cages pour mettre les chiens, des punks à chiens, il y aura le restaurant pour les punks à chiens. Pour les chiens, surtout. Je voulais dire, surtout. Hein. J'imagine. On pensera aussi aux chiens, donc... Il y aura une navette spéciale qui viendra d'Angleterre. Voilà. Alors on va rappeler une toute dernière fois la Brock'n'Roll. C'est où, c'est quand, à quelle heure, de quelle heure à quelle heure? C'est comme une brocante, de 8h à 18h. C'est le dimanche 14 juin, il fera beau. C'est Lionel qui me l'a dit. Oui, c'est prévu. J'ai commandé. Non, parce que l'année dernière, il a fait un peu de pluie. Alors, voilà. Et c'est la 10e édition là-bas. La programmation est belle. La buvette et la restauration sont de qualité à des prix modiques. Et cette année, il y a un peu d'hommage à la femme. On a le visuel de l'affiche est une femme orchestre. Parce que il y a deux ans, il y a quelques années, j'avais cherché une femme orchestre parce que c'est dans le genre de musique qui va bien à la Brock'n'Roll. Et en fait, il y en a une seule en France, mais trop loin pour la faire venir. Voilà. Donc, on a le visuel qui est une femme orchestre. Voilà. Et l'affiche, elle est à fond rouge. Donc, vous la verrez. Ça sort bientôt. Très bien. Eh bien, grand merci à toi, Angelo, d'être venu passer une heure ici avec moi à Fadjet. Ah ben, merci à toi, Lionel. Je te souhaite plein de succès dans toutes tes activités, la broc, les concerts, dans les bars, etc., etc. De toute façon, on te suit. La Brock'n'Roll, dernière chose, il y a un site, il y a une page Facebook, on le retrouve ça sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook et il y a plein de relais. L'année dernière, on a fait quand même 1200 ouais. likes. Ouais. D'accord. Bon, puis moi je te relaie et puis la radio Fadjet te relaie aussi, donc il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, derrière votre autoradio, si vous êtes sur la route et que vous faites une pause, ou derrière votre ordi, ou téléphone, ou tranquille sur votre banquette, je vous demande d'applaudir monsieur Angelo Chiariello. Ouais, Chiariello. Chiariello. Et de vite aller le retrouver dans les concerts qu'il organise à Nancy dans les bars et surtout à la Brock'n'Roll à Marron le 14 juin prochain. Encore un grand merci, Angelo, de ta venue dans l'émission et on va se quitter en musique. Nous on se retrouve dans 15 jours même heure, même endroit pour un nouveau Music Live. Ce qu'on va entendre c'est justement les Slack Dogs qui seront c'est à une fanfare blues, une mini fanfare blues, super. Voilà, alors écoutez ça, vous allez, on a fait une petite compile de différents morceaux qu'ils interprètent et je pense que ça va être vraiment sympa de les entendre à la Brock'n'Roll. Bonne soirée à tous sur Fadjet avec la Misède et son parfait d'étoile juste après le carillon de 21h. N'oubliez pas, allez au concert, écoutez de la musique vivante et allez voir des spectacles vivants. On se quitte en musique avec les Slack Dogs. À très bientôt. Bonsoir. Ciao. Ciao.